Déjà fini? Non non Claudie, c'est maintenant ça commence. Ah bon hein? Échauffement, échauffement, échauffement, échauffement, échauffement, échauffement, tirer, tirer, tirer, tirer, point de France, côté sous, waga, voilà, waga. Abidjan, Bamako, Accra, êtes-vous dans la place? Alors, on y va, Kigali, on y va, Djibouti, on y va, Niamey, on y va, Djobourg, Zouka, Royenne, Décalé, Zouka, Bujumbura, Zouké, Décalé, Décalément, Décalément, Zouké, Ma, Zouké, Décalé, Décalément, Décalément, Décalément. Le zouké décalé de la génération consciente, ici c'est chez nous, bienvenue.